بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة معنا اليوم الحديث 87 حديث عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه. Et donc selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karb رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: peu ne s'en faut que l'homme, un homme, soit assis, appuyé sur son canapé, donc confortablement installé sur son canapé. Il est donc appuyé sur son canapé. Il rapporte un de mes hadiths. Donc le prophète, il dit que cet homme rapporte un des hadiths, un des récits prophétiques. Et il dit, il y a entre nous et vous, le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons de licite, nous le jugeons comme licite. Et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le jugeons comme étant illicite. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est on prend le livre d'Allah. La sunna, non. On prend ce qu'on trouve de licite dans le livre d'Allah, il est licite. Ce qu'on trouve d'illicite dans le livre d'Allah, il est illicite. La sunna, pas besoin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réplique à cela à la fin et il dit: certes, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit est comme ce qu'Allah a interdit, rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. فهذا الحديث أيها الإخوة هو آخر حديث في باب حقوق النبي sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est le dernier hadith dans le chapitre concernant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالمؤلف رحمه الله يبين لنا بهذا الحديث أمرا وهو من حقوقه sallallahu alayhi wa sallam ألا وهو وجوب العمل بسنته. L'auteur ici رحمه الله, il nous montre un point essentiel qui fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait, le caractère obligatoire. Il est obligatoire d'œuvrer avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahnu na'rif ayyuha al-ikhwa fi hadhihi al-azmina kathurat ash-shubah 'ala an-nas. Et on sait très bien qu'à notre époque, les gens ont beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté pour éloigner les gens de la pratique de la sunna. فَهَذَا الْحَدِيثِ يَذْكُرُ حَالَ رَجُلٍ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Ce hadith nous cite la situation d'un homme qui sort de l'islam. Les savants, ils nous disent: من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. Ils nous disent, celui qui rejette la sunna a rejeté le Coran. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, هو الذي يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Allah dans le Coran, c'est lui qui nous ordonne de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est lui qui nous l'ordonne. Il a cité la situation du prophète comme étant pour nous uswatun hasana, un bon exemple à suivre. Nous devons le suivre sallallahu alayhi wa sallam. On doit lui obéir. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ Obéissez à Allah et obéissez au messager. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Ce avec quoi vous est venu le messager, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. فَمَنْ أَنْكَرَ السُّنَّةِ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ Celui qui rejette la sunna, il a mécru au Coran. فَهُوَ كَافِرُ Alors celui-ci est un croyant. Celui-ci n'est pas musulman. Man ankara sunna laysa bi muslim. Il n'est pas musulman. Bel kayfa yusalli? Kayfa yuaddi hadhihi al-farida? Comment va-t-il donc accomplir la prière s'il rejette la sunna? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala amarana bi hadhihi as-salah wa bi hadhihi az-zakah wa fassalahuma fi as-sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné l'accomplissement de la prière et l'aumône obligatoire, mais il a détaillé tout cela dans la sunna. Fa'ayna najidu fi kitabillahi adad ar-raka'at? Où trouvons-nous dans le livre d'Allah le nombre d'unités et la description de la prière? Hadha na'khudhu min as-sunna wa kadhalika az-zakat. Ayna najidu nisab al-ibil? Où allons-nous trouver dans le Coran la valeur qui détermine l'obligation de la zakat liée au chameau? Ou at-tafasil hawla zakat urud at-tijara? Les détails concernant la zakat, l'aumône qui est liée aux produits qui sont commercialisés? Où trouvons-nous cela dans le Coran? Hadha kulluhu fi sunnah. Fas-sunnatu Yajibu al-amalu biha. Liza, ayyuha al-ikhwa, kulna wa karrarna akthara min marra. Inna Allah tabaraka wa ta'ala anzala al-Qur'an ala nabiyyihi wa amarahu bit-tabligh wal-bayan. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Qur'an sur son prophète et lui a ordonné de transmettre et d'expliquer. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. فَمَنْ أَنْكَرَ السُّنَّةَ أَنْكَرَ الْقُرْآنِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْقُرْآنِ فَهْمًا صَحِيحًا Celui qui rejette la sunna a rejeté le Coran et il ne lui est pas possible de comprendre le Coran correctement. Il ne lui est pas possible. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَلَا وَرَبِّكَ Par ton Seigneur. Allah jure. Il jure. Par ton Seigneur. لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ils n'ont pas la foi, ils n'auront pas la foi, tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge des conflits qu'il y a entre eux. On a un conflit, je ne suis pas d'accord avec toi, avec un tel, on regarde un sunna. On doit regarder qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas d'accord avec ton épouse, un sunna. Tu n'es pas d'accord avec ta sœur, es-sunna. Tu n'es pas d'accord avec tes enfants, es-sunna. La yu'minun. Ils ne croient pas. Ils ne croiront pas. Tant qu'ils n'auront pas fait cela. Et donc, il ne nous est pas permis, ô chers frères, de délaisser la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ash-shubah al-muntashira fi zamanina. لا يقال للناس اتركوا السنة اتركوها هي سيئة أو À notre époque, on ne dit pas aux gens délaissez la sunna, elle est mauvaise ou. On ne dit pas ça aux gens. Parce que si tu dis ça aux gens, les gens ils vont dire mais n'importe quoi, c'est la sunna du messager d'Allah, etc. Non. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Regardez, méditez les frères. El yaum yuqalu linnas as-sunnatu sunna. La sunna, c'est une sunna. Yani mustahabba. Ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé. فَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ. La prière commune, elle est pas obligatoire, recommandée. Al-lihya sunnah, la barbe, sunnah, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Al-libas alladhi yasturu al-awra, le vêtement qui va cacher nos parties, sunnah. Et quand vous remarquez bien les frères, kullu ma yuz'iju ghayra al-muslimin sara sunnatan. Tout ce qui dérange les non-musulmans, c'est devenu une sunna. C'est pas obligatoire. Hakada dakhalu fi dinina. Comme ça, ils sont rentrés dans notre religion. Aujourd'hui, tu vas conseiller un musulman, ya akhi, as-salat fil jama'a, la prière en commun. Sunna. À tel point que vous savez quoi? La prière à l'heure, c'est devenu sunna. Maintenant, tu peux la rattraper avec les fatawas de certains meshayikhs. Tu rattrapes toutes tes prières le soir, hein, après avoir fait le travail. Il y en a qui te disent, ou alors tu pries au travail avec tes yeux. Pendant que tu es au travail, tu pries avec ton intention et tes yeux. Yani, tout est fait pour faire croire aux musulmans qu'il peut changer la religion d'Allah comme il veut et rester comme cela. Alhamdulillah, al-muhim, tu fais le travail qu'on t'a demandé de faire, tu prends ton salaire à la fin et c'est tout. Voilà ce qu'on t'a demandé. Hada huwa al-islam? La abadan. Et donc, oh chers frères, il est important que la communauté musulmane se réveille par rapport à ça, qu'on ait de la jalousie concernant notre religion, qu'on ait de la jalousie concernant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile de montrer qu'on n'est pas content quand il y a une caricature ou quand il y a une moquerie. Mais on est où tout le reste de l'année? On est où les salawats? On est où les obligations? On est où le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et donc il est important, chers frères, qu'on reconnaisse les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والعجيب ايها الاخوه ان هذا الحديث فيه علم من اعلام النبوه. Il y a dans ce hadith, parmi les choses surprenantes, il y a dans ce hadith un des signes de la prophétie. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا حال رجل في المستقبل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité la situation d'un homme dans le futur. Et effectivement, ja'at firqa al-qur'aniyin. Et effectivement, est venu par la suite le groupe de al-qur'aniyun. Ceux qui s'accrochent selon eux au Coran, c'est tout. On ne prend que du Coran. Et donc, comme on l'a vu, il y a énormément de signes qui montrent la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, dans les versets. Il est important qu'on y médite. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yadhkuru lana hala rajul muttaki ala arikati. Il nous cite la situation d'un homme qui est confortablement installé, il est appuyé sur son canapé. Ça veut dire quoi ça? Lam yarhal li talab al-ilm. Il n'est pas parti pour apprendre sa religion. Thumma yatakallam. Et ensuite il parle. Hada huwa halun nas al-an. C'est ça la situation des gens aujourd'hui. On est là, on n'apprend pas. On ne cherche pas à apprendre. On n'assiste pas au durus. On ne fait pas l'effort d'apprendre l'arabe, le Coran. On est là tranquillement, on mène notre vie, on court derrière la dunya. Mais dès qu'il faut parler sur le din, on est les premiers. Dès qu'il faut parler, on est les premiers. Et donc il est important qu'on fasse attention, chers frères. Nous devons apprendre cette religion. Et nous devons respecter cette religion. Cette religion est la seule religion agréée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous devons la respecter, l'étudier. Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est recommandé? Quelle est la croyance de Ahl Sunna? C'est important. On est là, on ne fait pas d'efforts. Hein, et puis dès qu'il faut parler, on est les premiers à parler. Non. C'est pas comme ça. Ça fait le désordre total. Comme on a aujourd'hui en France, désordre total, divergence. La même divergence qu'il y a entre des médecins sur un sujet et tout le monde veut rentrer dedans, hein, mais c'est la même chose dans la religion. Divergence entre les ulama sur un sujet, tout le monde veut rentrer dedans. Tout le monde. Il faut que je parle. Yanni, c'est plus fort que moi. Il faut que je parle. Et donc, oh mes frères, je vous enjoins, je vous conseille, vraiment, nous devons faire des efforts pour apprendre notre religion. Ceux qui n'ont pas l'arabe, ijtahidou barakallahu fikoum. Faites des efforts, apprenez la langue arabe. Apprenez le tafsir. Apprenez le Coran. Apprenez sunna. Apprenez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-aqidat as-sahiha. La croyance authentique. Les livres qui ont été écrits sur ce sujet. Ou sous la sunna de l'imam Ahmed. Les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Et d'autres livres. Et à Tikod al-Imam Malik, etc. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet. Dans Sahihain, les chapitres qui concernent l'Irtikod, il est important qu'on accorde de l'importance à notre religion, qu'on sache quelle est la croyance obligatoire. Et donc faites cet effort, barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la bénédiction dans votre temps. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً